Des accords byzantins, halte, halte à tous ces saints. Des accords byzantins, halte, halte à tous ces saints. Accords byzantins, halte, halte à tous ces saints. Halte, halte, au petit cul, halte, halte à ces femmes nues, halte, halte à toutes ces voyeurismes, halte à tous ces... On t'en donne de la fesse, on t'en donne des images à te faire mouiller le soir, à te faire bander trop tard, à te faire des images.